Le jour est mort, les masques sont tombés dans le brouillard délavé de mon âme. Je cherche en vain les restes de la flamme qui toi et moi nous avait consumés. Le cœur en sang, j'ai compté une à une toutes ces nuits éteintes à jamais. Et je chantais mes tourments à la lune, amis des cœurs et des corps esselés. Lorsque soudain, au milieu du silence, j'ai entendu trois fois rien, juste un bruit. Les yeux au ciel, j'ai imploré ma chance. L'adolescente en moi avait frémi. Oui, c'est bien toi, viens donc, je suis gelé. Prends donc ton sceptre et fais de moi ta reine. Viens vivre en moi comme l'herbe en la plaine, qui sent l'eau vive et prompte à déferler. Viens les vents et les courants, ma chère hélas, que vienne un vent tenace et cher aux conquérants. Le temps se gâte et la tempête approche, la vague gonfle et tous deux nous tanguons. Mon beau marin, j'aime quand tu t'accroches, toi qui te plais à lustrer mon ponton. Oh mon skipper, largue donc nos amarres, ton mât se dresse et ma coque est trempée. Le vent se lève et j'empoigne la barre, ma tête est libre, un verrou à sauter. Esquive fragile dans le triangle des Bermudes, à la merci des caprices marins. Nous frémissons et ce n'est qu'un prélude, à l'horizon se prépare un gros grain. Ton souffle chaud s'engouffre dans mes brèches, ma langue se pèse dans ta tour de Babel. Pauvre de moi, tu as allumé la mèche, mon désir monte de plusieurs décibels. Je me prends par traîtrise, pauvre de lourd, mon cœur nous chavirons. Brûle le feu et craque la banquise, un enfant fou a ouvert les prisons. Et notre terre a quitté son orbite, et le vieux monde a enfin succombé. Nos vérités ont enfin fait faillite, la ligne droite elle aussi s'est courbée. Nos crimes se perdent dans le vide, le ciel se voile et l'éclair est tombé. L'orage inonde enfin la terre aride, et quelque chose en moi a succombé. Place au silence et place à la paresse, déjà tes yeux se ferment sans remords. La chair se tait, au dehors le jour baisse, un chien au loin a hurlé à la mort.